Chapitre 13. Chez le mage. D'épais rideaux de velours noir dissimulaient les portes et les fenêtres. Le tapis était noir, avec d'étranges dessins or et argent, et les murs, tapissés de lamé noir et or, ne portaient aucun tableau, aucun ornement, sauf deux immenses glaces encadrées d'argent massif, disposées en face l'une de l'autre et qui allaient du plafond au parquet, répercutant à l'infini le décor funèbre. Quelques divans bas, couverts de velours noir et de coussins en lamé et en brocart, dont les broderies répétaient les signes cabalistiques du tapis, complétaient l'ameublement. La seule lumière provenait d'une veilleuse dissimulée dans un vase d'argent massif. Lady Gwendoline Hornsby frissonna. « On se croirait dans un caveau, » chuchota-t-elle. « Ce divan est un catafalque. »« Vous ne croyez pas si bien dire, » murmura Jim entre ses dents, en tâtant dans ses poches l'assortiment de revolvers, le trousseau de passe-partout, la trousse de maquillage et l'attirail de fausse barbe qu'il avait savamment disposé. « Vous ne savez pas combien je vous suis reconnaissante d'avoir bien voulu m'accompagner, cher monsieur... » Chut ! N'oubliez pas que je suis le frère de votre mari. J'ai obéi à votre étrange désir sous ce rapport, mais je n'en comprends pas les raisons. Cet homme verra à travers vous, n'en doutez pas. Je verrai peut-être aussi à travers lui, souffla Jim, presque imperceptiblement. Depuis la disparition de mon pauvre mari, depuis toutes les autres catastrophes qui ont suivi, je me sens absolument désorientée. Surtout depuis que j'ai découvert au fond d'une armoire de Patrick tous ces livres affreux sur le crime, les criminels et les criminalistes. Il y a là un mystère qui dépasse l'entendement humain. Pas de doute, on a ensorcelé Patrick. Autrement, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait avec notre argent. Je n'ai confiance qu'en vous, monsieur... Pardon, mon cher James. L'étude du crime est votre domaine, et vous me soutiendrez de toute votre vaste expérience. Mais vous n'êtes, vous aussi, qu'un être humain, et il faut là, je le sens, une révélation surhumaine. J'ai tout de suite senti la main de la Providence quand Lady Lindermere, ma belle-sœur, m'a parlé du maître. Elle ne fait rien sans lui. Il lui a prédit des choses qui se sont accomplies en tout point. Quand la duchesse de Rochester était à New York, on lui a volé sa broche de diamant, le plus beau bijou des Rochester, et on ne l'a retrouvée que grâce à lui. Miss Edith Fairfax, qui est venue passer quelques mois à Londres, en dit des merveilles. Il possède le don de seconde vue, à un degré inouï. Très souvent, il opère par son médium, une jeune orientale, une créature supraterrestre, Maya. « Maya ?» répéta Jim. Il voulut poser une autre question, mais la voix lui manqua. « Oui, Maya, l'illusion éternelle. » Une fois, après la disparition mystérieuse d'un banquier connu, la sœur de la victime est venue consulter le maître, et Maya, dans son sommeil, a dit qu'elle voyait un homme poignardé, étendu sur l'herbe, dans une clairière au milieu d'une forêt. Quelques jours après, on a retrouvé l'homme, dans un endroit semblable à celui qu'elle décrivait. Les moindres détails se sont vérifiés. Je suis heureuse que vous ayez approuvé mon idée de le consulter, et que vous ayez même insisté pour m'accompagner. Je veux au moins connaître le sort de mon pauvre Patrick. Chut ! Souffla Jim. L'épais rideau de velours en face d'eux s'écarta, et un serviteur hindou, coiffé d'un turban blanc, leur fit silencieusement signe de le suivre. Après avoir traversé un long couloir tapissé de noir, éclairé également par une veilleuse, il souleva un tapis et ouvrit une porte qu'il referma immédiatement derrière eux. Aveuglés par une éblouissante lumière, ils chancelèrent. Quand ils rouvrirent les yeux, ils se virent dans une sorte de salle ronde, sans fenêtre, éclairée par un plafond vitré en forme de coupole, d'où la lumière tombait à flots. Il n'y avait pour tout ameublement qu'une banquette demi-circulaire épousant la forme du mur, et en face, sur le fond d'un rideau qui cachait une partie de la salle, une table en fer à cheval, devant laquelle était assis un homme à barbe noire. Il leva sur Lady Gwendoline Hornsby des yeux noirs, magnétiques, et demanda d'une voix calme et souveraine « Pourquoi avez-vous amené un homme ? Je vous ai ordonné de venir seul. » « Pardon, maître. Lady Windermere ne m'avait pas dit. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'amener quelqu'un. » balbutia-t-elle. « Qui est cet homme ?» Lady Gwendoline rougit violemment, baissa les yeux et bredouilla. « C'est le frère cadet de mon mari, James Hornby. » Le maître transperça Jim d'un long regard et dit calmement « Peggy Hornsby, vous mentez !» Lady Gwendoline Peggy, avec une sorte d'exclamation inarticulée, s'affala sur la banquette. « Cet homme ne s'appelle pas Hornsby, pas plus que vous ne vous appelez Gwendoline. »« Puisque vous savez tout, dites mon vrai nom !» déclara insolemment Jim. Le maître le regarda souverainement. On sentait qu'il planait trop haut pour le mépriser. « Maya vous le dira, » dit-il lentement. Jim frémit. « Asseyez-vous sur la banquette. » Il y eut un silence. Le maître semblait plongé dans ses méditations. Puis, très calme, sa voix retentit de nouveau. « Es-tu là, Maya ?» Une voix infiniment fragile, semblant venir de très loin, retentit derrière le rideau. « Je suis là. Dors-tu ? Je dors. Qu'y a-t-il devant moi ? Un homme et une femme. Pourquoi la femme est-elle venue ici ? Elle cherche son mari. Pourquoi l'homme est-il venu ? Il doute du maître. Qui est cet homme ? Il y eut un silence. Le maître tira un cordon d'argent et le rideau s'écarta tout à coup. Sur un siège adossé droit et élevé, dans une pose hiératique, enveloppée du front aux pieds par de grands voiles, se tenait Maya. « Ouvre les yeux, Maya. Connais-tu son nom ?»« Oui. » « Comment s'appelle-t-il ? » ?»« Jim Joy. » Le rideau se referma sur elle. Lady Gwendoline Hornsby, foudroyée, se laissa glisser à genoux et sanglota. « Pardonnez-nous, maître !» Jim Joy, blême d'humiliation et de colère, oubliant toute prudence, déclara d'une voix tranchante. « Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle sache mon nom. Je le lui ai dit moi-même. » Et soudain, d'un mouvement absolument imprévu, il s'élança vers le rideau, l'écarta violemment et, saisissant la voyante par les épaules, cria « May !» Comme une lunatique réveillée en sursaut, elle croula brusquement et serait tombée à terre si Jim ne l'avait soutenue. Il se pencha au-dessus d'elle et, les yeux dans ses yeux, souffla impérieusement « May !» Levant vers Jim, son regard devenu lucide, elle s'accrocha à lui et chuchota désespérément « Emmenez-moi !» « Sauvez-moi, j'ai confiance en vous. » Soudain, ses yeux s'agrandirent démesurément, s'emplirent de terreur, puis, peu à peu, se vidèrent de toute expression. Elle se redressa, s'appuya de nouveau légèrement au dossier du siège, joignit les mains sur les genoux et redevint une statue hiératique. Jim se retourna. Le maître, intensément et silencieusement, regardez Maya de ses yeux noirs. « Vous n'avez pas le droit de détenir cette femme ici !» cria Jim haletant. « Pourquoi la faites-vous servir à vos diaboliques machinations ?» Le maître fit un geste hautain d'indifférence. « Emmenez-la. Elle vous suivra, si elle le désire. Je ne m'y oppose pas. »« Mais !» dit désespérément Jim. « Mais, venez !» Elle garda le silence. Elle ne semblait pas entendre. « May, m'entendez-vous ? May !» Silence. Il la prit par le bras. Elle n'opposa aucune résistance, mais son bras était inerte. Quand Jim le lâcha, il retomba, comme un poids mort. « C'est bien, dit Jim, je partirai seul. Ou bien avez-vous l'intention de me retenir dans votre antre de sorcier ?»« Je ne retiens nul être de force, » répondit le maître. « De force, non, mais par votre charlatanisme hypnotique. je vous préviens que ça n'agit pas sur moi. Je pars, mais je reviendrai. » Vous êtes libre, répondit calmement le maître. Venez, Lady Gwendoline. Et Jim la prit par la main. Lady Gwendoline Peggy arracha sa main avec horreur et se détourna de lui. Partez, vous êtes un impie. Folle, cria Jim hors de lui. Si vous subissez le même sort que Miss Smith, vous l'aurez mérité. Il buta aveuglément contre le mur avant de trouver le battant invisible derrière un tapis, fit claquer furieusement la porte, traversa en courant le couloir et se heurta contre l'hindou au turban blanc. « Montre-moi la sortie, chien » cria-t-il, « et si tu oses quoi que ce soit !» L'hindou, silencieux, lui montra le chemin jusqu'au vestibule et ouvrit la porte toute grande. Jim dégringola 4 à 4 l'escalier et sortit sur la route déserte qui s'étendait devant le pavillon. Il passa devant la voiture de Lady Gwendoline et se dirigea en courant vers le petit bar, aux trois sorcières, qu'il avait remarqué en venant et qui était à quelques minutes de marche. En face de ce bar, en bordure du trottoir, se trouvait une cabine téléphonique. Dieu merci, le pavillon du chiromancien, situé à l'endroit le plus désert et le plus désolé de Shepherd's Bush, Western Road, était seulement à 40 minutes de Guildford. L'automatique fonctionnait bien, et il obtint rapidement la communication. « Allô, Jenkins, passez-moi le chef constable, vite !»« Jonathan, j'ai trouvé le médecin de Miss Sarah Smith. C'est le chef de la bande. Il s'appelle Zerga. Il habite... » Une main lui ferma la bouche, étouffant les mots. Avant qu'il eût le temps de se retourner, il était bâillonné, ligoté, emporté à travers la route, dans le bar aux trois sorcières, traîné dans l'arrière-boutique, poussé dans une minuscule chambre noire et jeté sur le sol comme un paquet. La porte se referma derrière lui et la clé grinça dans la serrure.